Chapitre 2. Le Marais est un honnête quartier, et la rue des Tournelles est une honnête rue, qu'on peut habiter sans rien perdre de sa respectabilité, comme disent les Anglais, même quand on appartient à la bourgeoisie aisée. Elle n'est pas gaie, cette voie qui ne mène à rien, mais elle a gardé comme un parfum de l'époque lointaine, où la place royale était le centre du Paris mondain. Les voitures n'y passent guère, et les boutiques y sont rares, mais les maisons y ont une apparence majestueuse et triste, qui fait songer au temps où des présidents au Parlement y logeaient. Les fenêtres sont ornées de balcons en fer forgé, et les portes cochères ont des marteaux. L'hiver est lugubre, mais dans la belle saison, le soir, les fillettes y jouent au volant, et l'emplissent de leurs rires argentins, pendant que les mères tricotent, assises dans de vieux fauteuils de paille. Madame Cormier, née Julie, née Gravette, y demeurait depuis 10 ans, qu'elle s'était retirée du commerce avec des capitaux assez ronds. Elle appartenait à une bonne famille parisienne, et elle s'était mésalliée en épousant sur le tard François Cormier, facteur aux Halles et fils de ses œuvres, car il avait commencé sa fortune en déchargeant les voitures de Marais. Ce brave homme, peu lettré, était mort assez jeune, et sa veuve s'était consacrée tout entière à l'éducation de son fils Paul, qu'elle adorait et qu'elle gâtait déplorablement. En dépit des intentions de son père qui le destinait à être son successeur, Paul avait voulu être avocat. Sa mère l'avait laissé faire son droit, qu'il ne faisait guère, car au bout de 5 ans, il n'avait pas encore passé sa thèse, et elle lui pardonnait ses écarts, parce qu'il était resté bon fils. Elle lui pardonnait même d'être allé planter sa tente au quartier latin, qu'elle considérait comme un pays maudit. Elle espérait toujours qu'il se rangerait, et elle rêvait de le marier avantageusement, quand il serait inscrit au barreau, et en passe d'acheter une charge de notaire ou d'avoué. Quoiqu'elle fût du mauvais côté de la cinquantaine, cette mère trop indulgente était encore presque jolie. Elle avait été charmante, et son fils Paul lui ressemblait beaucoup. Mais elle n'avait jamais songé à se remarier, et elle s'était complètement retirée du monde commerçant où elle avait vécu lorsqu'elle gouvernait un grand magasin de primeurs et de gibier à l'enseigne du Faisan argenté. Quelque chose comme à la boutique de la légendaire Madame Bontou, bien connue des gastronomes d'il y a 15 ans. De tous les amis de son défunt mari, elle ne voyait plus qu'un vieil avocat consultant qui lui avait rendu d'importants services, quand elle avait quitté les affaires et réglé ses comptes. M. Bardin était veuf, et comme elle, il n'avait qu'un fils, beaucoup plus âgé que Paul, et beaucoup plus laborieux, car à force de travail et par son seul mérite, il était arrivé à siéger au tribunal civil de la Seine, où il occupait les fonctions très enviées de juge d'instruction. Madame Cormier citait sans cesse l'exemple de ce bon sujet à Paul, lequel n'avait pas manqué de prendre en grippe Charles Bardin, qui était pourtant un excellent magistrat et un excellent garçon. Ce juge célibataire comme Paul était trop occupé au palais pour fréquenter souvent chez la veuve, mais son père y dînait régulièrement, tous les dimanches. Ces jours-là s'étaient faites dans l'appartement que Madame Cormier occupait au 2e étage, et sur le devant d'une antique maison où l'escalier était en pierre et où les plafonds, hauts de 15 pieds, montraient encore quelques traces de dorure. Paul y apportait un contingent de gaieté juvénile, et ne s'y ennuyait pas à écouter la conversation du bonhomme Bardin, qui avait beaucoup lu, beaucoup vu, beaucoup retenu, et qui racontait fort bien. Et le dîner était toujours excellent. De ses anciennes relations commerciales, la veuve avait gardé des facilités d'approvisionnement, dont elle faisait profiter ses convives, en leur servant des produits recherchés. Elle possédait aussi une cave de premier ordre, qu'elle ne ménageait pas le dimanche. On se mettait à table à 6h30 précises. Quand la demie sonnait à l'horloge de Saint-Paul, M. Bardin dépliait sa serviette, et aux 3/4, Brigitte, la bonne à tout faire, entrait pour enlever le potage. Et Paul était d'une exactitude méritoire. Il avait beau percher sur les hauteurs du Panthéon, il apparaissait toujours 5 minutes avant la demie. Il quittait toutes les absinthes et toutes les donzelles de son quartier pour ne pas faire attendre sa mère, qui lui en savait gré. Mais enfin, tout arrive, et il arriva que ce dimanche de mai, qui devait marquer dans la vie de Paul à 7h, Madame Cormier et son ami Bardin étaient encore assis près de la fenêtre de la salle à manger, se faisant vis-à-vis et échangeant par-ci par-là quelques mots en l'air pour tromper leur impatience. La veuve s'était déjà levée 10 fois pour regarder dans la rue. Bardin, qui prisait beaucoup et particulièrement dans les cas embarrassants, Bardin avait presque vidé sa tabatière. Brigitte ne faisait qu'entrer et sortir, en se lamentant sur la destinée du gigot qui serait trop cuit. Bardin dit tout à coup, Madame Cormier, il faut qu'il lui soit arrivé un accident. Il est peut-être malade. Si j'allais voir rue Gay-Lussac. Ce serait ce que vous pourriez faire de pire, répondit sans s'émouvoir le vieil avocat. Vous iriez en voiture et vous vous croiseriez avec lui. À son âge, on n'est pas retardé que par les accidents. Comment vous supposez qu'il est en train de s'amuser, un dimanche, quand je l'attends ? Oh, dit Bardin en haussant les épaules, il faut bien que jeunesse se passe. Et entre nous, elle ne passe que trop vite, la jeunesse. Laissez-le jeter ses gourmes, ce garçon. Plus tôt ce sera fait, plus tôt il sera mûr pour le mariage. Je sais bien, mon ami, murmura la mère, toujours disposée à excuser son Paul. Mais je me plains qu'il ne mûrit pas vite. Bah, les fruits d'arrière saison sont les meilleurs. J'ai quelquefois regretté que mon Charles n'ait jamais fait de sottises quand il était jeune. Vous dites ça pour me consoler? Pas du tout. Je dis ça parce que je crains qu'il n'en fasse quand il sera vieux. J'espère que non. Mais n'empêche que, faut de la sagesse, pas trop d'en faut. C'est comme la vertu. Taisez-vous, Bardin, vous finiriez par me faire rire, et je n'en ai pas envie. Voyons, voulez-vous que je vous indique le moyen de calmer vos inquiétudes? Je ne demande pas mieux, mais le moyen, c'est de nous mettre à table. Il n'y a rien de tel pour faire arriver les retardataires. Et comme la bonne dame ne paraissait pas convaincue, son vieil ami s'empressa d'ajouter. Si votre fils ne vient pas, je vous promets qu'après dîner, je pousserai jusque chez lui pour prendre de ses nouvelles. Ne me remerciez pas, je m'en fais une fête. Voilà 3 jours que je ne sors pas de mon cabinet, où je suis plongé dans l'étude d'un dossier qui m'est arrivé de province. Il me semble que je dois exhaler une odeur de paperasse. Une promenade hygiénique me fera du bien. Sans compter que pour moi, ce sera une joie de revoir le quartier latin. Je n'ai plus jamais l'occasion d'y aller. Ça me rappellera ma jeunesse. J'ai fait mes farces, moi aussi, il y a 40 ans. Les farces du bonhomme n'avaient pas dû le mener bien loin. Mais c'était une de ses manies de prétendre qu'il avait mené la vie d'étudiant noceur. Et Madame Corbier, qui connaissait ce travers, s'abstenait de le contredire. « Eh bien, dit-elle, dis non, je vais appeler Brigitte pour qu'elle nous serve. Et après le dîner, si je n'ai pas vu mon fils, j'irai avec vous, rue Gay-Lussac. Grommela Bardin, qui aurait préféré y aller tout seul. Oui, vous devez mourir de faim. Quelle heure peut-il bien être ? Pas loin de 8 heures, cher ami. Il fait presque nuit. Et je ne vous cacherai pas que j'ai l'estomac dans les talons. » Bien à regret, car elle se désolait de dîner sans son Paul, la veuve se leva et s'achemina vers la cuisine, où Brigitte surveillait le rôti en maugréant contre le gamin, qui se permettait de faire attendre sa mère. Un roulement de voiture monta de la rue. Madame Cormier courut au balcon et s'écria joyeusement « C'est lui !»« Il arrive en fiacre, » dit le vieil avocat en se mettant aussi au balcon. « La jeunesse d'à présent ne se refuse rien. De mon temps, elle allait à pied, ou en omnibus. » Paul, en effet, descendait d'une Victoria numérotée dont l'entrée dans la rue des Tournelles avait fait sensation. Les concierges sortaient pour la voir et les enfants avaient cessé leur jeu pour la laisser passer. « Eh bien, reprit le père Bardin, vous voyez qu'il ne lui est rien arrivé. Il a oublié l'heure, voilà tout. « Brigitte, tu peux servir, » cria Madame Cormier, toute joyeuse. Paul l'avait oublié, en effet, l'heure du dîner de sa mère, et il ne s'en était souvenu qu'après avoir cherché longtemps aux Champs-Élysées, la marquise disparut. Elle ne s'était pas montrée. Et il avait eu quelques mérites à se rappeler qu'on l'attendait rue des Tournelles, car son étrange aventure l'occupait tout entier. Elle lui apparaissait maintenant sous des aspects nouveaux, et il ne lui déplaisait pas trop d'y être engagé. L'erreur d'un domestique l'avait mis dans une fausse situation, mais la marquise l'aiderait certainement à en sortir. Elle s'était abstenue de l'attendre aux environs de l'hôtel de son ami, mais elle ne manquerait pas de lui donner bientôt de ses nouvelles. Tout s'éclaircirait, il resterait à Paul l'espoir de lui plaire, et de remplacer effectivement ce mari dont il avait joué le rôle pendant 2 heures. Il lui restait aussi 8 bons billets de 1 000 francs qui gonflaient son portefeuille, sans compter 8 autres que le vicomte lui devait. Il les avait loyalement gagnés à un gros joueur qui se consolerait facilement de les avoir perdus, et il n'était pas fâché de les tenir. Mais il faut lui rendre cette justice que ce gain inattendu le touchait moins que la joie d'avoir fait connaissance avec une femme charmante qui avait bien l'air d'appartenir au meilleur monde. Il débarquait, tout plein de son sujet, dans le paisible appartement de la rue des Tournelles, et s'il l'eût osé, il aurait volontiers raconté à sa mère et au vieil avocat sa bonne fortune. Mais il n'osait pas, sachant qu'il les affligerait tous les deux. « Te voilà, méchant garçon, » lui dit en l'embrassant tendrement Madame Corbier. « D'où viens-tu ? J'ai été retardé au dernier moment, » balbutia Paul. « Dis donc, tu piochais ton 4e examen, » lui souffla le père Bardin qui riait sous cap. « S'il y a du bon sens de dîner à 8 heures... » Tu t'abîmeras l'estomac. » La bonne dame ne pensait qu'à la santé de ce fils, qui venait de les faire souffrir. Elle et son vieil ami, accoutumés à la régularité des repas. « À table, voici la soupe !» s'écria Bardin. Il n'y avait qu'à obéir à cette invitation. Paul n'eut même pas la peine d'inventer une excuse. Les trois convives avaient grand faim, et Paul plus que les deux autres. Rien ne creuse comme les émotions quand on est jeune. Il n'avait pas encore atteint l'âge où elle coupe l'appétit. Il en résulta que le commencement d'une idée fut silencieux. On n'entendait que le bruit des cuillères heurtant le fond des assiettes. Après le potage, un verre de vieux xérès, qui avait mûri dans les caves du faisan argenté, délia la langue de l'avocat, qui se mit à parler de son unique rejeton, son Charles, le magistrat modèle, pour lequel il rêvait une brillante carrière. À ce savant, à ce laborieux, il ne manquait, pour sortir de la foule, que d'être chargé d'instruire une de ces affaires retentissantes qui mettent en lumière les talents d'un juge d'instruction. Bardin souhaitait à son fils un accusé comme Campi, cet assassin anonyme, dont le procès venait de passionner Paris. À quoi Madame Corbier répondait qu'elle souhaitait qu'il n'y eût jamais de criminel à juger, et qu'elle espérait bien que Paul n'aurait jamais à demander la tête de personne, attendu qu'il n'entrerait pas dans la magistrature. Paul n'avait garde de se promener sur ce point, car il n'était pas du tout à la conversation. Son esprit vagabondait à une lieue de la rue des Tournelles et du dîner, auquel pourtant il faisait grand honneur, car en dépit de ses préoccupations, il ne perdait pas un coup de dent. Il pensait qu'à cette heure la marquise de Ganges dînait peut-être seule dans le magnifique hôtel qu'elle devait habiter, et que la baronne d'Ozulé, qui avait des invités ce soir-là, leur parlait peut-être du jeune monsieur qu'elle avait pris pour le mari de la marquise. Il s'était acquitté d'un devoir en venant s'asseoir à la table maternelle, mais il méditait de filer après le dîner vers le quartier latin, où Jean de Mirande était resté. Il était à peu près sûr de l'y trouver au bal de la Closerie des Lilas, ou à la brasserie de la Source, et il éprouvait le besoin de le revoir, non pas pour lui raconter son aventure. Il avait juré à Madame de Ganges de n'en rien dire à son ami, mais pour se retremper au contact de ce joyeux compagnon qui prenait si gaiement l'existence et qui jonglait avec les soucis. Madame Cormier finit par s'apercevoir que son fils n'écoutait pas, et Bardin, qui s'en était aperçu depuis longtemps, lui dit en clignant de l'œil « Je parie qu'il est amoureux. » Cette fois, Paul entendit et affecta de sourire en haussant les épaules. « Oh, ne t'en défends pas, » reprit le vieil avocat. « Ça vaut mieux que d'aller au café. » « Oui, s'il était amoureux pour le bon motif, » rectifia sagement la mère, qui n'aspirait qu'à marier son garçon de bonne heure, pour le mettre à l'abri des dangers du célibat prolongé. « C'est encore un peu tôt, » dit Bardin. « Et puis, vous savez, pour faire un civet, il faut un lièvre. Eh bien, pour se marier, il faut une femme. J'entends une femme aussi bien dotée par ses parents que par la nature. Et, dame, ces lièvres-là, ça ne court pas les champs, ni même les rues de Paris. » Paul continuait à jouer de la fourchette sans lever les yeux. Sa mère, qui aurait voulu l'entendre manifester des velléités conjugales, dut se contenter de répondre à Bardin. « Vous devriez lui trouver ça. » Et Bardin, qui ne restait jamais court, répliqua sans broncher. « Autrefois, je n'aurais pas dit non, du temps où je voyais tant de gens défiler dans mon cabinet. Maintenant, je ne donne plus de consultations qu'à des amis. J'ai remercié ma clientèle, un peu à contre-cœur. J'y ai renoncé à cause de Charles. Le père d'un magistrat ne doit pas recevoir d'honoraires du premier venu. » « Mais vous avez gardé d'excellentes relations avec vos anciens clients, et dans le nombre, il doit s'en trouver qui ont des filles à marier. Paul aura 600 000 francs après moi, et je lui en donnerai la moitié le jour de la signature du contrat. Avec ça et ses qualités physiques et morales, il ne tiendra qu'à lui d'épouser une héritière, car il est plein de qualités, ce mauvais garnement. « Vous êtes bien bon, monsieur Bardin, » murmura Paul en souriant. « Je te dis tes vérités, voilà tout. Le diable sait que, pour le moment, je ne connais pas d'héritière. » « Oh, je ne suis pas pressé. Je te crois sans peine, mais ta mère l'est pressée. Et si je pouvais l'aider à te caser avantageusement, je m'y emploierais volontiers. » Le bonhomme s'arrêta tout à coup en se frappant le front. « Mais où ai-je la tête ? » s'écria-t-il. « Décidément, je vieillis, car je perds la mémoire. À moins que ce ne soit le xérès de ta maman qui m'obscurcisse les idées. Verse-moi tout de même un dernier verre. Là, c'est bien. Maintenant, mon garçon, j'ai ton affaire. » Une jeune orpheline qui doit avoir tout au plus 21 ans et qui est l'unique héritière d'une fortune de 6 millions. C'est superbe, dit ironiquement Paul, et pour peu qu'avec cela elle soit jolie, on dit qu'elle est charmante. Comment, on dit? Vous ne la connaissez donc pas? Je ne l'ai jamais vue, mais j'ai vu les titres qui établissent son droit à l'héritage en question. Je sais où il est, en quoi il consiste, et ce qu'il faut faire pour qu'elle soit envoyée en possession. Vous êtes admirablement renseigné. Il ne vous reste plus qu'à m'apprendre où se trouve cette merveille. » L'ancien avocat prit un temps, comme on dit au palais, aussi bien qu'au théâtre, et après cette pause, il répondit gravement. « Si je le savais, je t'aurais déjà présenté à elle. » Paul, pour le coup, éclata de rire, et Madame Cormier fit une moue significative. elle trouvait mauvais que son vieil ami se permît de plaisanter à propos du mariage de son fils. « Ris, mon garçon, reprit Bardin, ris tant que tu voudras. C'est très sérieux, et vous, ma chère Julie, vous avez tort de vous fâcher. Mon héritière existe. Voulez-vous que je vous raconte son histoire ?»« Racontez, monsieur Bardin, racontez, » dit Paul, toujours pouffant. « Mon ami, » ajouta madame Cormier, « vous auriez dû commencer par là. »« C'est vrai, » répondit le vieil avocat. « J'ai mis la péroraison avant l'exorde. Mais quand on cause à table, on ne parle pas comme à l'audience. Je regrette ma bévue et je vais la réparer. Je la regrette d'autant plus que je vous ai mis l'eau à la bouche et qu'il faudra en rabattre. » « Bon, s'écria Paul, il y a une tare, je vois ça d'ici. La jeune héritière a commis une faute et... »« Pour qui me prends-tu ? » interrompit sévèrement Bardin. « Est-ce que tu te figures que j'ai vécu 60 ans de la vie d'un honnête homme pour me charger à mon âge de trouver un drôle disposé à vendre son nom en reconnaissant l'enfant d'un autre ?»« Non, certainement, monsieur Bardin, mais... »« Tu n'es qu'un étourneau. Apprends à tenir ta langue. Surtout quand tu parles à un ami de tes parents. »« Excusez-moi, j'ai cru que vous plaisantiez. »« Tais-toi. Pour te punir d'avoir dit une sottise, je vais garder pour moi mes renseignements.